J'ai découvert que la vie, ça vaut pas plus que le prix d'un savon. L'argent ça va, ça vient si vite que les soucis dans les bas-fonds. L'envie à assouvir mental d'un grand savant. C'est vrai, l'esprit un peu givré. C'est souvent que dans le mal ça brille. Grâce à qui l'équipe au marque, c'est pas un safari. Faut penser à sévir par estaf et rien, c'est ça la vie. On t'a pas dit que je platis le beat, ma maladie. C'est Jacques Adji, Adji à la petite astique, ma baramine. Je fais ça bien, je sais pas trop. À la va vite sur le corps où j'ai plus de coco. Je me ravitaille au kajaking man. J'ai pris le volatile et plume, je gratte avec son sang. Tout ça pour donner sa technique de tueur. Un zeste de conscient. Mais s'il faut dire que la froideur des gens ça décourage. Si t'aimes pas, écoute pas, provoque pas la tempête sous l'orage. La passion d'avancer ça vaut tout l'or du monde et oh. Mais trop persécuté par la brigade qui rôde dans mon déo. J'rappe sec, éviter les jaloux, j'essaye d'éviter. L'alcool c'est pas mon truc, mais j'te dis pas tout ce que j'ai vidé. J'espère m'en sortir, j'compte pas finir videur. Ou bien au chien au café en train de t'aimer des filles mineures. Frère, j'ai une conscience, j'compte pas finir au placard. Y'en a marre de toutes ces putées, des keufs qui te mettent des plaquages. Le sport j'ai lâché l'affaire et l'école c'était pas pour moi. J'pense qu'à ça j'veux faire des thunes dans ma tête, j'suis dans un tournoi. J'accélère dans les tournants, ton âge tu vas le faire tourner. Si tu manques de respect, ta petite sœur j'vais la détourner. Bref, j'représente ceux qui me soutiennent, ceux qui ont toujours été là. En passant au passage, pense à ma femme bientôt en bas âge. Y'a que des putes petits frères, donc me dis pas que t'as des potes. Faire la moelle c'est dur, le touch c'était moins cher à l'époque. J'te conseille de pas t'attarder, tous les tatatarter. Baisse toutes ces putes qui traînent avec la chatte écartée. Les meufs aujourd'hui, rien qu'elles tapent des grosses teintures. Ça se voit que ces tatanes et connaissent pas les coups de ceinture. Bref, le rap j'm'en bats les couilles, pour moi c'est juste un passe-temps. Si j'écris pas souvent, c'est juste parce que j'ai pas de temps. Va, j'prends la plume, représente les frères de sans arrêt. Marie mais sans la zèbe, une belle texture et des fonds sans arrêt. Les MC vont prendre cher comme la tête à Donnie Brasco. On crache nos vérités car dans le rap les Tommy Brastro. Envoie l'instru, j'mets le feu et toi, allume ce détresse. Le mic en main, c'est garanti que je laisserai des traces. T'imagines pas ce qu'on pourrait faire, pousse-toi de là, c'est pas pour l'effet. Viens du level et j'mets la barre à la hauteur de la tour Eiffel. Mande aux frères du 35ème, le rap c'est notre élément. On arrive en fond de 5ème, impossible de stopper l'élan. Toi t'es sur le podium, mais ton rap est trop bidon d'essence. Fais gaffe, je crache des flammes en direction du bidon d'essence. Ah, mon flow c'est du 89 caraman qui représente les gars déolés les uns coups des caravanes. Une entrée en vigueur et en face, je les vois si anxieux. Après le mode vibreur, je mettrai les MC en silencieux. Je monte les étapes, mes projets sont toujours au top. Je te visère de la frappe dès que mon stylo je le chope. Une bonne inspi, une bonne ganache et sa paire de couilles. C'est FKC dans ton son art, donc vas-y écoute coup. Je t'emmène dans mon univers où beaucoup de gens ont le regard froid. Où le temps varie, tourne à l'envers. Ce qui fait qu'on est perdu parfois. Mais bon, t'en fais pas, car la peur n'évite pas le danger. J'avance un petit pas, et pour moi c'est pas prêt de changer. Le mic est branché, donc vas-y j'enchaîne. Et c'est reparti, évite de broncher. Sinon je te mets ta part, Mani. C'est permanent que mon stylo vienne frapper ma feuille. Elle aime pas perdre de temps, son kiff c'est trouver la faille. Elle prend son pied comme un féfé à fond sur le périph. Sa pointe est d'acier, elle a la force pour la maîtrise. Elle ne vient pas de quartier, mais c'est le représente. Elle nage où elle n'a pas pied, et n'a pas le temps de plaisanter. J'ai vu le chat en bécan, le shit coupé à la cam. Les sœurs voient les surfaces d'un dîner à la cam. Fais les sons, les crânes, donc filet filet du checkar. Je parle pour les bolos qui nous affichent et nous tricardent. Dans le game je ne suis pas un chat noir, me suis partout. En espérant que c'est le départ pour un long parcours. Je veux pas être celui qui passe d'un bar à la barre, mais celui qui passe en bac et ça 200 bars. Vive sans barrer, percé pas grâce à Paris. Ici c'est sans vers Paris, si tu verras des gars pas net. J'ai des palettes, de punchline à déballer. J'rappe tellement sale que dans mes roues mon frère baille avec des balais. Je manque de bol, ma chance s'est fait la belle. J'ai été bête de pas écouter les potes qui me faisaient le rappel. À l'époque, des postes, on en volait à la belle. Loin d'être une poucave, une fois au poste, j'oublie même comment je m'appelle. A la paix, on m'a averti. Donc j'suis plus qu'un homme sain. Plus on veut ma dégaine. Ils m'ont direct appelé l'homme singe. On le dit que ça. Écoute, si j'te dis que ça. Pète du parfou, tu vois si c'est magique. Salope, salope, j'ai mis du flow. De quoi ça a l'air, j'admets que ça me fait bander. Comme ta meuf avec les salaires. J'viens kicker le beat sale. Mais sans trop me salir. Des lyrics tellement chaudes. Quand je pose le mic, s'allume. Ça y est, j'suis lancé. Devinez qui est la cible. Demande à Colo chez toi, c'est apesté comme un lacet. Olympique, roi invincible. Complexe comme le Davinci. J'pars au dans Vessi. Tes cheveux, des matins calvici. J'rappe pour le fun, j'm'en tape de me faire connaître. Mais j'ai les gros mecs, j'ai gris freestyle sur une comète. Oh merde, je vais devoir leur laisser la parole. Mais j'reviendrai encore plus loin, poteau dans ma parole. Hey. Les prods sont maltraités comme un otage en Somalie. C'est DLKOM, c'est Benoît, pas Ben Ali. J'arrive te pénaliser, y'a du flow à analyser. Tous les auditeurs sont visés, les faux MC vont s'enliser. Trop de rage à canaliser, j'suis pas là pour vous câliner. Les vrais ne peuvent que s'aligner, ok. Au max, c'est à ta porte qu'on vient toquer. Pour ça, pas besoin de toki, j'arrive pour vous choquer. Tu veux du lourd comme Diri Favla, une miette, guette. Gros t'inquiète, on est au paquet, donc toujours en compète. Y'a un bon pote à moi qu'a sauté y'a moins d'une semaine. Regarde où ce putain de cercle vicieux nous mène. Car on est tous les mêmes, on se lève avec la boule au ventre. Ne nous vantons pas de nos ventes, j'écris ça un jour de novembre. On avance face au vent, c'est vrai que j'rigole moins qu'avant.